En un mot? Alors, c'est un petit peu difficile à prédire, parce que pour l'instant, on a des techniques qui sont très prometteuses, mais qui ne marchent pas encore complètement bien. Donc, on va peut-être avoir des gros progrès dans les années qui viennent, mais on n'arrive pas à prédire. Évidemment, si on pouvait prédire, on aurait déjà ces idées. Alors, ça peut prendre un an, ça peut prendre 5 ans, ça peut prendre 10 ans, ça peut prendre 20 ans, on ne sait pas très bien. Ce qui est clair, c'est que résoudre ce problème de l'apprentissage prédictif ou non supervisé, c'est la première montagne... Le premier obstacle à franchir, si vous voulez, mais sur la route de la construction de machines vraiment intelligentes, il y a probablement plein d'autres montagnes derrière qu'on ne voit pas encore. Donc faire ce genre de prédiction est très, très difficile. Alors c'est pour ça, en fait, que je ne crois pas au... Donc il y a des gens qui sont un petit peu optimistes, qui pensent qu'on va pouvoir faire des machines d'intelligence humaine, d'intelligence générale humaine d'ici 5 ans. Des gens comme Elon Musk, par exemple, croient à ce genre de choses. Je n'y crois pas du tout. Je pense que ça va prendre beaucoup plus longtemps que ça, j'espère y participer. Et à 16h53, maintenant que vous connaissez l'émission, vous feriez bien de la podcaster régulièrement, Yann Lequin, puisque tous les mercredis se bouscule aux portes de la méthode scientifique, la future élite des chercheurs de demain. Un ou une doctorante vient nous présenter en 4 minutes ses travaux de recherche. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Caroline Etienne. Vous êtes en thèse CIFRE, bonjour, convention industrielle à l'Université de Paris-Saclay. Bienvenue à la recherche Montre en main, c'est à vous. Merci. La détection des émotions de l'être humain par le robot est un enjeu industriel important. En effet, si un robot de service comprend mieux un état émotionnel et est capable d'adapter son activité en fonction, sa présence et son rôle de divertissement ou de veille médicale seront d'autant plus acceptés par les clients. D'autres applications existent également, par exemple, étudier la satisfaction et la rétention de la clientèle contactée par les centres d'appel des entreprises en banque et assurance. Dans leur stratégie de développement, l'aspect de la détection des émotions au cours d'un appel téléphonique au client a toute sa place. Les progrès récents en intelligence artificielle étant importants, le but de ma thèse est d'améliorer la reconnaissance automatique des émotions dans le langage parlé à l'aide de l'apprentissage profond en testant les technologies les plus abouties. Avant l'arrivée de l'apprentissage profond, le chercheur devait énormément transformer ses données brutes, en l'occurrence des fichiers audio, pour en extraire l'information nécessaire. Le grand apport de l'apprentissage profond est que le système apprend par lui-même à extraire les informations d'une masse de données qui lui permettent de résoudre une tâche précise. Dans le cas présent, prédire l'émotion contenue dans une séquence de paroles. Cependant, une condition de succès de l'apprentissage profond est d'avoir beaucoup de données audio à disposition, dont les séquences audio sont annotées, au préalable par des êtres humains. On entraîne ainsi l'algorithme à faire correspondre à une séquence audio une émotion. Dans les littératures et dans mon travail, on se limite à 4 émotions. La tristesse, la joie, la colère et l'état neutre. Le problème est réduit à un problème plus simple qu'on travaille à résoudre. On cherche ainsi à répondre à la problématique de comment utiliser au mieux cette masse de données audio via des méthodes d'apprentissage supervisées. J'ai notamment choisi des systèmes appelés les réseaux de neurones récurrents qui permettent de traiter des données séquentielles. Un neurone récurrent, qu'est-ce que c'est ? C'est composé d'une entrée, de couches cachées et d'une sortie. Ce qui fait son originalité, c'est que lorsque de l'information sort de cette couche cachée, elle vient la nourrir à nouveau. C'est ce qu'on appelle la récurrence. Les réseaux de neurones récurrents sont adaptés pour l'analyse des séries temporelles, comme un fichier audio par exemple. Les neurones sont connectés entre eux et chaque neurone utilise l'information que le neurone précédent a produit, mais il utilise aussi de l'information au moment dans le fichier audio qui lui correspond. C'est-à-dire qu'au sein d'une même couche, les premiers neurones utilisent l'information située au début du fichier audio et les derniers neurones utilisent de l'information située à la fin du fichier audio. Le système a ainsi toute l'information nécessaire pour prédire quelle émotion est véhiculée par la séquence de langage parlé qui lui a été soumise. Si cette émotion est la même que celle trouvée par les êtres humains, c'est gagné et le système se voit renforcé. En revanche, si ce n'est pas la même, tout le système est corrigé, neurone après neurone à reculons. C'est ce qu'on appelle la rétropropagation du gradient et c'est ce qui donne à l'algorithme sa capacité à apprendre et à s'adapter face à une donnée inconnue. Aujourd'hui, les bases de données utilisées ne contiennent pas toujours des dialogues spontanés et naturels. De plus, on limite la prédiction des émotions à 4 émotions. La tâche de prédiction est ainsi plus facile pour l'algorithme, mais plus éloignée de la réalité. Un des enjeux de cette thèse est de tester différentes bases de données et de les croiser entre elles afin que l'algorithme gagne en robustesse. Un autre enjeu est d'être capable d'expliquer pourquoi l'algorithme arrive à ce résultat et comment le système interprète l'émotion. Ainsi, je travaille à faire des algorithmes plus performants et les deux prochaines années de ma thèse seront axées sur la manière de rendre ces algorithmes plus robustes, plus efficaces et plus transparents. Merci beaucoup Caroline Etienne. Yann Lequin, un mot sur cette prédiction des émotions, c'est l'avenir aussi de l'intelligence artificielle. En un mot, hein, on a quelques secondes. Oui, on assiste à une énorme explosion en fait d'applications dans tout un tas de domaines, de l'apprentissage supervisé, de effectivement la rétropropagation qui est la méthode d'apprentissage pour le réseau de neurones. Et ça, c'est un très bon exemple auquel je n'aurais pas pensé il y a 20 ans par exemple. Voilà, il faut suivre les travaux de Caroline Etienne. Merci beaucoup Yann Lequin d'avoir été notre invité pour ce troisième numéro de la deuxième saison de la méthode scientifique en duplex depuis les locaux de la radio NPR. À New York, merci à nos collègues de la radio NPR, merci à notre collègue David Larousserie d'avoir été ici avec nous du journal Le Monde, merci à toute l'équipe de la méthode scientifique. Dans quelques instants, à la technique aujourd'hui, Nicolas Slimani et aux droits d'auteur Jean-François Souvilly.